la drogue du cul, des belles bagnoles, des faux amis, des fausses paroles. Ce dont sont remplis tes bagages, rien de réel que des mirages. C'est le premier instant qui passe, qui fait se mouvoir tes godasses. Instant gagné, instant perdu, dans tes godasses tu n'y es plus. T'aimais la glace au caramel, ainsi que le goût du café, et jamais monté à l'échelle. Toi qui voulais devenir pompier, entre Venise et la Bohème, une femme passe, tu crois que tu l'aimes. Une femme passe et qui s'en va, mais la bouteille reste entre tes doigts. En Australie, tu traînes tes guêtres, tu prendras des photos peut-être de ces paysages inconnus que t'as jamais vraiment bien vu. T'aimais la glace au caramel, ainsi que le goût du café. Tu les trouvais toutes vraiment belles, mais tu les as jamais montées. En revenant, t'ouvres tes valises, tu regardes les photos que tu as prises. Et ces paysages merveilleux te font enfin ouvrir les yeux. Tu repars à des kilomètres, de là tu m'écris une lettre où tu m'expliques que la vie, c'est un voyage sans être parti. T'aimais la glace au caramel, ainsi que le goût du café. À présent tu le sens la peine et l'envie d'y retourner. Depuis t'as une femme que tu adores, se sont passées maintes aurores. Tu t'es marié devant monsieur le maire, tes gosses sont devenus reporters, et ils t'envoient des caramels, ainsi que des pains de café, des photos de Suisse, de Bruxelles, comme si tu les accompagnais. T'aimais la glace au caramel, ainsi que le goût du café. T'es jamais monté à l'échelle.